Il est nommé comme complice de Catilina. D'autres embarras ne tardèrent pas à l'assaillir. Il fut nommé parmi les complices de Catilina, devant le questeur Novius Niger, par le délateur Lucius Veltius, et dans le Sénat par Quintus Curius, à qui l'on avait décerné des récompenses publiques pour avoir révélé le premier les projets des conjurés. Curius prétendait tenir de Catilina ce qu'il avançait. Vétus s'engageait à produire un billet écrit par César à Catilina. César ne crut pas devoir souffrir ces attaques. Il implora le témoignage de Cicéron pour prouver qu'il lui avait, de son plein gré, transmis certains détails sur la conjuration. Et il fit priver Curius des récompenses qu'on lui avait promises. Quant à Vétus, à qui l'on infligea une saisie, dont on pilla les meubles, dont on maltraita la personne, et qui enfin fut prêt d'être mis en pièces, en pleine assemblée au pied de la tribune, César le fit jeter en prison. Il y fit conduire aussi le questeur Novius, pour avoir souffert qu'on accusât à son tribunal un magistrat supérieur à lui en autorité.